Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Mexico est-elle soi-disant de plan géométrique? Quels sont les clichés des villes de l'Atlantique? La ville coloniale des Amériques procède-t-elle d'un modèle importé? Que nous révèlent New York, La Havane et Rio au-delà des stéréotypes? Pourquoi passer par Luanda en Angola? Sanjay Subramaniam, historien polyglotte qui se partage entre l'Université de Californie à Los Angeles et sa chaire d'histoire globale de la première modernité au Collège de France, où il est professeur invité depuis 2013, achève ce matin un tour du monde des grandes villes à l'époque moderne, à l'intersection de plusieurs cultures, nationalités, langues, religions et modèles politiques. Il nous a ainsi entraînés à la Mecque, il a mis en miroir Lisbonne et Goa, il a suivi sur le long terme les métamorphoses de Constantinople-Istanbul, il a interrogé le modèle de Delhi avant de questionner celui des villes marchandes du nord de l'Europe. À la lumière de l'histoire connectée, plus attentive aux rencontres et prônant l'approche transfrontière, qu'elle soit physique ou disciplinaire, Sanjay Subramaniam interroge le rapport villes-empires et suit le fil de l'approche weberienne de l'histoire des villes, non sans en avoir critiqué les limites, pour la revivifier, l'ouvrir sur les terrains délaissés, comme ce matin, du côté des villes de l'Atlantique. Ces villes des Amériques seraient dominées par le plan géométrique, l'influence culturelle des métropoles. Aurait-elle un air plus libre que ne le laisse présager l'historiographie classique? Serait-elle plus surprenante, moins aberrante finalement? Cette histoire montre aussi comment certaines villes poussent, comme la complexe cité de Rio, malgré les Portugais, prenant alors une place plus importante que prévu et malgré les contraintes géographiques, quand l'industrie du sucre cède le pas alors aux ressources minières. Cette histoire s'inscrit aussi dans le commerce triangulaire et Sanjay Subramaniam l'aborde aussi de manière décentrée. Les villes de l'Atlantique, c'est aussi Luanda en Angola et l'Afrique est reliée, tout comme l'Europe. Notre historien qui aime mettre les archives en conversation d'un continent à l'autre au service d'une histoire connectée rappelle les controverses historiographiques et les avancées récentes. Ces empires s'influencent mutuellement, nous rappelle-t-il, en citant les travaux de son collègue Serge Grusinski. Mais avant de retrouver Mexico, Rio, New York, nous restons en Europe, nous voici face au regard décalé de Sanjay Subramaniam à Saint-Pétersbourg et il nous explique pourquoi, dans son cours intitulé « Les plaques tournantes de l'histoire globale 16e-18e siècle, carrefours et lieux de rencontre », aujourd'hui les villes de l'Atlantique. Aujourd'hui, je vais aborder la question des villes de l'Atlantique. Mais juste pour un petit rappel, donc on avait en fin de cours traité brièvement du cas de Saint-Pétersbourg comme le dernier de ces cas des villes du Nord. Et on a vu comment, en réalité, c'était difficile de faire le transfert d'un certain type de ville née dans des circonstances particulières, dans d'autres circonstances, dans d'autres ambiances. Donc, même si Saint-Pétersbourg a été conçu peut-être comme une ville qui avait quelque chose à voir avec les villes de la Hanse ou les villes néerlandaises que Pierre le Grand connaissait assez bien, comme il avait pas mal voyagé aux Pays-Bas, où il a été entre autres hébergé par Nicolas Witsen, le burgemeester d'Amsterdam. Mais puis on a vu que assez rapidement la ville a pris une autre allure, c'est devenu autre chose qu'une ville typique de genre Anvers ou Amsterdam, etc. Et on peut dire, même si les circonstances sont différentes et même si ces éléments ont été en quelque sorte importés par un pouvoir que voulait les importer, qu'il y a peut-être, une justification pour traiter Saint-Pétersbourg comme une espèce de ville coloniale, c'est-à-dire comme une espèce de ville qui représente la tentative d'implanter un modèle venu d'ailleurs dans des circonstances qui sont autres. Et c'est justement ça qui est le sujet pour moi d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée de l'urbanisme sous l'influence coloniale dans le cadre de l'Atlantique à l'époque moderne. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de ville sur les rives occidentales de l'Atlantique avant la colonisation ibérique. On sait qu'il y avait des villes, mais ces villes étaient relativement restreintes dans leur présence, dans le cadre de la Mésoamérique pour l'essentiel, donc en gros entre le Mexique et les Andes. Donc c'est plutôt là qu'on trouve des villes. Il y a quelques débats dans les derniers temps, par exemple, sur les sites archéologiques qu'on a trouvé, je vous donne ça à titre d'exemple, dans le Mississippi, pour savoir s'il y avait peut-être quelque chose qu'on peut qualifier comme des espèces de petites villes déjà là, mais je pense que pour l'instant c'est un peu une exagération de dire qu'il y avait une vraie tradition d'urbanisme aussi loin au nord que ça. Mais bien sûr il y avait des villes comme ça, c'est donc la ville de Mexico. Une représentation qui a été hautement débattue parce que c'est une représentation qui nous vient de 1524, donc peu de temps après la conquête. Mais donc il y a au moins deux versions, deux interprétations extrêmes de cette carte qui vient de l'Allemagne, c'est-à-dire une version qui dit que c'est une représentation totalement fantaisiste de ce qu'était la ville de Mexico avant la conquête, et l'autre qui dit, et qui est soutenue par des gens maintenant spécialiste de la cartographie indigène, qu'il y avait probablement derrière cette carte-là des cartes indigènes. Donc, si c'était une fantaisie, ce n'était pas une fantaisie purement européenne, en tout cas. C'était une espèce de fantaisie, une coproduction, en quelque sorte. Mais si vous regardez cette ville, il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez particuliers. Donc, c'est une ville qui est construite au milieu d'un lac. Vous voyez un peu la situation telle que c'était avant la conquête. Et puis, bien sûr, progressivement, on a rempli ces lacs pour faire en sorte qu'on est arrivé à une situation où ce rapport entre l'eau et la terre s'est transformé déjà au 16e, 17e siècle. Et bien sûr, avec tout cela, il y avait aussi la transformation dans des villes qui existaient autour. On sait qu'il y avait cette fameuse triple alliance entre les trois villes, Tlacopan, de Texcoco et de Tenochtitlan, qui a été donc transformée par la suite. Et Tenochtitlan, Mexico, devient donc pas seulement une ville très importante dans la région, mais aussi le siège de la viceroyauté qui est créée par les Espagnols à la suite de la conquête par Hernán Cortés. Alors donc, on a cette ville-là, c'est une ville soi-disant géométrique, c'est une ville qui a des traits qui sont assez bien définis, assez reconnaissables, et on peut dire à peu près la même chose sur cette autre ville qui est devenue donc la deuxième grande capitale des Espagnols dans les Amériques, c'est donc la ville de Cusco, et donc qui plus tard a été abandonnée à la faveur de Lima. Mais là, vous voyez encore, ça c'est Cusco comme c'est dépeint à la fin 16e, début 17e. Et vous voyez encore une fois cette forme extrêmement régulière. Et encore une fois, on peut se demander, est-ce que cette forme, c'est vraiment la forme originale ou non? Et il semble que non. Il semble qu'en fait, au moment de la conquête, la ville de Cusco avait une toute autre forme qui ressemblait peut-être plus au symbolisme d'un animal. Et puis, ça a été refait et redessiné en quelque sorte pour prendre ce genre de forme. Et justement, c'est cette forme-là qui pose une première question sur laquelle je vais m'attarder un peu. Alors donc, vous voyez qu'il y a une espèce de cliché sur les villes espagnole, hein, aux Amériques. Et ça, c'est autour de l'idée que ce sont des villes géométriques qui suivent ce qu'on appelle la traça. Hein. Donc, cette espèce de forme carrée ou rectangulaire, et où il y a en plus une notion que le pouvoir réside au centre, hein, c'est-à-dire là où il y a le capitaine ou là où il y a l'église principale, s'il y a la chambre municipale, et puis les gens importants se trouvent autour de ce centre, et puis plus loin on est de ce centre, moins important qu'on est dans l'hiérarchie sociale, même si, bien sûr, il y a quelques exceptions. Par exemple, c'est sûr et certain que les grandes maisons du centre de la ville, souvent aussi, ont des esclaves ou d'autres personnes considérées comme étant de basse condition, mais qui habitent quand même le centre de cette ville. Et c'est donc un peu une espèce de cliché de l'urbanisme américain. On va parler sans cesse de ça comme l'idée principale, le trait principal de ces villes hispano-américaines ou latino-américaines. Et il y a bien sûr le problème qui se pose de savoir si c'est à l'origine de la ville américaine d'aujourd'hui, c'est-à-dire si vous regardez la ville typique américaine. Les clichés de la ville américaine, c'est qu'il y a toujours ces rues qui portent des chiffres. First Street, Second Street, Third Street, et ainsi de suite. Et First Avenue, Second Avenue, Third Avenue. C'est un peu comme ça que ça marche dans toutes les villes américaines. Alors, il faut revenir sur la question des origines de cette notion. Alors là, on a l'avantage d'avoir une réflexion d'ordre assez général de la part d'un géographe assez connu, qui est Jean Tricard, qui a écrit un article qui est resté un article de référence sur lequel on a pas mal débattu. C'est un article qui s'appelle donc « Quelques caractéristiques générales des villes latino-américaines ». Ça, maintenant, ça fait à peu près 50 ans qu'il a publié cet article, mais ça garde quand même une certaine importance. Voilà donc ces propositions avec lesquelles il commence. Malgré l'importante diversité des villes latino-américaines, et notons, il dit « latino-américaines hein, », et pas hispano-américaine. Hein, donc, c'est une petite différence, mais c'est quand même une différence, ça vaut la peine de souligner, présente entre elles un certain nombre de traits communs qui en font une véritable famille urbaine comparable à celle des villes méditerranéennes ou africaines, par exemple. Hein, déjà, c'est un contraste sur lequel il faut revenir. Elles le doivent à des racines historiques semblables, celles de la colonisation espagnole ou portugaise, donc il est en train, bien sûr, de mélanger les deux, à une évolution économique identique pendant la période coloniale et depuis à des structures sociales analogues liées à ce passé lointain et plus récent. Donc il continue. Il nous semble que c'est à ces origines qu'il faille faire remonter certaines caractéristiques au milieu urbain latino-américain. L'uniformité de plan de toutes les parties anciennes des villes, que l'on trouve d'ailleurs encore dans bien des extensions nouvelles, plan en damier, de lotissement avec les quadras uniformes orientés en fonction des côtés de la place centrale, Plaza Mayor, Plaza de Armas, Plaza Matriz, etc. Deuxièmement, le rôle exceptionnel dans le plan et dans la vie urbaine de cette place centrale, déjà apparent, il dit, en Espagne et au Portugal, mais encore accentué. L'église principale, les bâtiments administratifs essentiels l'abordent toujours, siège du gouvernement, mairie, etc. Une ville qui ne se possède pas une place centrale carrée de ce type, comme Tacna, Pérou, n'est pas une vraie ville. Il ne peut prétendre à un prestige municipal complet. Par contre, d'autres villes tirent leur orgueil de la beauté de ces places, jalousement conservées, avec des magnifiques balcons et de nobles arcades. Il faut vraiment arriver dans des régions sauvages et perdues pour ne pas trouver un jardin public bien soigné sur cette place centrale ou encore avoir affaire à ces agglomérations spontanées nées de circonstances favorables à le long d'une route auprès d'une mine sale et désordonnée auquel tout latino-américain bien-né répugne à donner le nom de ville. Alors, il y a déjà une série d'objections qu'on peut soulever. Par exemple, pourquoi dire que ça a quelque chose à voir avec l'Amérique latine? Par exemple, le plan de la ville de Manille. Donc, on n'est plus dans l'Amérique latine, mais on peut dire que ça suit à peu près le même genre de plan, le même genre d'idée. Bien sûr, Manille était une petite ville avant la conquête espagnole dans les années 1560, mais ça a été transformé par les Espagnols, disons, entre la fin des années 1560 et 1600, et tout en étant dans une autre zone culturelle qui n'a rien à voir, c'est-à-dire dans l'Asie du Sud-Est, ça a suivi à peu près le même genre de plan. Donc pourquoi dire que ça a quelque chose à voir avec l'Amérique latine? Il y a bien sûr des idées qui n'étaient pas forcément dans l'esprit de Jean Tricard, qu'on peut utiliser pour défendre cette idée que c'est une spécificité de l'Amérique latine. Par exemple, on dirait que c'est parce qu'il y avait en quelque sorte convergence entre deux modèles. Convergence, par exemple, entre le modèle pré-colombien et le modèle espagnol. Donc, on pouvait dire que là, déjà, avant la conquête, il y avait des centres urbains qui étaient basés sur quelque chose qui était assez semblable. Et donc, calquer le modèle espagnol sur ce qui existait auparavant était plus facile, justement, parce qu'il y avait cette espèce de nouche, en quelque sorte, avant même la conquête. Alors, autour de ces questions ont été donc débattues dans les derniers temps dans un cadre beaucoup plus large autour de l'histoire de l'Amérique latine en tant que telle. Et je vous présente donc trois approches un peu différentes, mais qui ont chacun leur mot à dire sur ce genre de choses. Une chercheuse américaine, Patricia Seed, a voulu insister sur une idée pour elle qui est d'importance capitale. C'est que tout est déterminé par les cultures nationales européennes. Donc, elle nous dit qu'en effet, même si on est en Amérique, ça fait toute la différence si on est en Amérique espagnole, en Amérique portugaise, en Amérique britannique ou en Amérique française. Donc, pour elle, il n'y a pas un modèle qui existe de conquête ou d'urbanisme ou de culture spatiale aux Amériques. Il y a autant de modèles qu'il y a de pouvoirs coloniaux. Et donc, par exemple, pour elle, assimiler les Portugais aux Espagnols, ça serait une erreur fondamentale parce que pour elle, en fait, les Espagnols et les Portugais ont des traditions d'occupation de l'espace qui sont même assez différentes. Et ça serait encore plus le cas si on était, par exemple, en train de regarder les Britanniques ou les Français ou même les Néerlandais qui représentent le cas le plus compliqué. Parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu une insertion durable pour la plupart dans les Amériques. Donc, il n'y a pas de ville qu'on peut identifier dans les Amériques comme une ville néerlandaise à long terme. Alors, deuxième approche, c'est une approche plus nuancée et qui ne se centre pas sur cette espèce d'éventail, mais qui se centre sur le contraste entre deux empires. Donc, ça, c'est le gros et beau livre de l'historien anglais très célèbre, Sir John Eliot, Empires of the Atlantic World, où il fait le contraste entre les Anglais et les Espagnols. Et il essaie de nous démontrer en quelle mesure ces deux traditions étaient différentes. La tradition anglaise, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus décentralisée, et donc, du coup, aussi. Quand on regarde l'urbanisation, ça se fait beaucoup plus en désordre, en quelque sorte. L'individu joue un rôle plus important. Mais comme c'est John Eliot et c'est la tradition empiriste britannique, il n'a pas envie de pousser très loin dans les schématisations. Il ne fait pas des schématisations aussi radicales que, par exemple, qu'on trouve dans le livre de Patricia Seed. Et puis, on a cet autre livre, peut-être la synthèse le plus réussi sur l'histoire des Amériques, qui est d'ailleurs le deuxième volume de cette histoire du Nouveau Monde, de Carmen Vernon et de Serge Brzezinski, où là encore, on traite un peu tout, les Espagnols, les Portugais, les Français, etc., mais sans penser trop à ces questions de schématisation. Bien sûr, il y a une question qui est soulevée de temps à autre dans ce livre et qui m'est assez chère, c'est-à-dire le fait que ces empires, finalement, s'influencent mutuellement. Donc, en fait, c'est très, très difficile de dire qu'il y aurait un cadre purement espagnol, surtout parce qu'entre autres, on sait qu'il y avait une époque de 60 ans, mais ce n'était pas une époque négligeable, entre 1580 et 1640 quand les Portugais et les Espagnols étaient sous les mêmes rois. Donc, en fait, il y avait une espèce de mélange assez compliqué à la fois dans l'administration, mais aussi dans la société. Il y avait beaucoup de gens qui, par exemple, qui passaient une partie de leur vie dans la colonie portugaise du Brésil et puis allaient s'installer à Lima ou au Rio de la Plata. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de passages, de circulation, de connexion, si vous voulez, entre ces mondes. Mais commençons donc avec le cas qui est en quelque sorte le plus compliqué, le plus difficile et qui nous pose déjà ce problème que je viens d'énoncer. C'est le cas néerlandais. Donc, voici une vue de la ville de Nouvelle-Amsterdam. Dans cette peinture qui vient des années 1620-30, nous montre une ville à l'allure bien néerlandaise, il faut le dire, qui a existé à peu près pendant tout le XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIe, quand les Anglais ont donc repris cette ville qu'ils ont donc déjà au milieu du XVIIe siècle, ont commencé à l'appeler en utilisant l'autre nom de New York également. Donc la forteresse qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelle aujourd'hui Battery Park, et puis la ville qui va en utilisant de l'eau, il y a le canal que vous voyez ici, et puis ça c'est la fin de la ville. Bien sûr, aujourd'hui la ville est un peu différente parce qu'on a récupéré de la terre, mais tout de même l'importance de cette muraille c'est donnée par le fait que c'est la rue qu'on appelle justement Wall Street. Donc c'est justement là où on arrivait à la fin de la ville néerlandaise. Alors donc, ça c'est une ville qui a l'air d'une espèce de transplantation. Il n'y avait pas d'urbanisme dans ce lieu. Mais est-ce que, en quelque sorte, le New York tel qu'on le trouve au XVIIIe siècle est marqué par ça? Oui et non. C'est-à-dire c'est marqué par un certain nombre de noms de lieux. Mais pour l'essentiel, cette ville devient une espèce de ville palimpseste où sur ce qui est la ville néerlandaise, on va construire d'autres et d'autres encore. Donc du coup, il faut toujours garder cette idée en tête que les villes, finalement, et comme on l'a vu d'une façon très évidente dans le cas d'Istanbul, ce sont souvent des villes, à cause de leur histoire, qui sont donc ces espèces de villes de couches, de villes, comme j'ai dit, de palimpseste, où on ne peut jamais trouver une version pure d'une ville qui représente que la volonté d'un seul pouvoir dirigeant ou d'un seul pouvoir qui va donc déterminer tout ce qui est de cette ville. Donc, vous voyez déjà, on a ce problème en regardant cette notion des villes qui se sont différenciées par les cultures purement venues de l'Europe, donc les cultures métropolitaines qui seraient les cultures déterminantes pour faire le contraste donc entre les villes. Puis il y a donc le deuxième problème que je viens d'énoncer, c'est-à-dire pourquoi dire que ça a à voir forcément avec un continent quand en réalité on peut trouver le même genre de modèle dans des continents différents quand on se retrouve dans le cadre d'un seul empire. Alors la chose se complique encore plus quand on va vers l'Atlantique Sud. Et quand on va vers l'Atlantique Sud, en fait, la première chose qu'on voit là-bas, c'est que, par exemple, ce genre de contraste qu'on a tendance de faire, et vous voyez, je reviens là à la citation de Tricard, là où il dit, par exemple, qu'il y a une espèce de différence très importante entre ville méditerranéenne, ville africaine et ville latino-américaine. Et là, justement, je vous pose la question par rapport à ce contraste entre ville africaine et villes latino-américaines. Parce que là, on est en train de regarder une vue sur une ville qui est d'ailleurs la première ville d'une certaine importance qui est construite sur les côtes de l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est la ville de Luanda. La ville de Luanda, aujourd'hui capitale d'Angola. Et c'est une ville, encore une fois, qui a une histoire un peu compliquée. Ça s'appelle São Paulo de Luanda. C'est fondé en 1576 par Paulo Dias de Novais, qui reçoit cette ville donc comme faisant partie de la capitanie qu'il reçoit donc du roi Sébastien de Portugal. qui va donc fonder cette ville, on l'appelait plutôt Pauvoisin au départ, parce qu'il fallait avoir une reconnaissance officielle pour être nommé une ville, et cette reconnaissance officielle vient 30 ans plus tard, en 1605, quand Luanda va recevoir donc ce statut officiel qui va avec la création d'une chambre municipale, une camara municipale, mais aussi avec toute une série d'autres institutions qui sont assez typiques de l'urbanisme portugais, c'est-à-dire avec la chambre municipale, il faut bien sûr avoir une série d'églises, donc une église principale, et puis il faut avoir cette institution bien ibérique et surtout portugaise qui s'appelle à Santa Casa de Misericordia. C'est donc une espèce d'institution charitable fondée dans un contexte assez particulier et qui est devenue très forte pendant la Reconquête, parce que c'était aussi en passant par cette institution qu'on rachetait des captifs. Mais puis, dans toutes les grandes villes de l'Empire, on va créer cette institution. Alors, dans cette ville, donc, c'est une ville qui est très, très divisée du point de vue de race. Donc, si on regarde la classification de gens qui habitent cette ville, il y a ce qu'on appelle donc les blancs, les brancos, puis le mot qui est utilisé pour les gens métis, c'est pardo. Donc, ça, c'est une deuxième catégorie. Puis, parmi les noirs, de sorte, il y a les esclaves, et puis il y a ce qu'on appelle pretos livres, c'est-à-dire des noirs qui sont libres, c'est-à-dire soit parce qu'ils ont été ex-esclaves, soit parce qu'ils appartiennent à des communautés qui n'ont jamais été esclavisées. Mais en tout cas, c'est une ville où, de plusieurs points de vue, il y a mélange de langues. On parle portugais, mais en fait, au XVIIe et même au XVIIIe siècle, il y a beaucoup de locuteurs de Kimbundu. Et ce n'est pas seulement les pardos ou les noirs, c'est même les blancs, souvent, qui sont plus au courant de cette langue régionale que du portugais purement parlé. Et alors, donc, il y a une production autour de cette ville. Là, c'est un texte assez connu du XVIIe siècle, qui est un texte portant sur la guerre d'Angola. Mais c'est une ville qui a une histoire assez compliquée, parce que c'est une ville qui, au milieu du XVIIe siècle, est tombée dans les mains des Néerlandais. Donc, ça a passé quelques décennies sous la domination néerlandaise. Les Néerlandais ont redéfini un certain nombre d'éléments dans la ville, mais puis ça a été repris par les Portugais, mais pas par les Portugais de Portugal. En fait, cette ville a été reprise par une expédition montée par les Portugais du Brésil. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se fait dans un contexte, si vous voulez, intercolonial. Alors, donc, vous voyez un peu la forme de cette ville. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec les villes de genre carré, comme on a vu. C'est une ville qui suit plus ou moins la topographie. On a la forteresse au bout de cette espèce de péninsule, et puis en grimpant un peu sur les collines, en fait, il y a deux villes. Il y a la ville d'en bas, il y a la ville d'en haut, qui suit un peu, justement, cette logique d'altitude entre les différents niveaux. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont reconnaissables, par exemple le palais du gouverneur, il y a puis la grande église, etc. Mais en gros, c'est une ville qu'on peut dire est très reconnaissable pour quelqu'un comme moi qui a travaillé sur l'Empire portugais. Ça ressemble en fait pas mal à des villes ou des plans de villes que j'ai vus un peu partout dans l'Empire portugais. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'Afrique particulièrement, ou l'Atlantique particulièrement? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et bien sûr, si on commence à regarder plus que la topographie de la ville, on comprend que ça a bien sûr quelque chose à voir avec l'Atlantique, parce que c'est une ville de la traite. C'est une grande ville de la traite, avec Benguela, qui va devenir la deuxième ville dans cette région pour ces questions-là. Donc, regardons un peu la population de cette ville. C'est vers la fin du XVIIIe qu'on arrive pour la première fois à avoir des statistiques portant sur cette ville. Et là, vous voyez, c'est pas une ville énorme. Ça a une population à peu près de 10 000 personnes en 1780. Et c'est même pas une population qui est forcément toujours en expansion. Si on arrive à la fin du 18e, en fait, il y a une espèce de rétraction qui se produit. Et vous avez donc une population qui est assez favorable aux femmes. Mais il faut dire que très peu, mais vraiment très très peu de ces femmes sont des femmes d'origine européenne ou des brancaches, comme on les appelle dans l'époque. Ils sont beaucoup plus, ils appartiennent à d'autres catégories. Ici, mulatto étant donc la traduction faite par José Curto, l'auteur de cet article de Pardo. Il y a aussi cet autre aspect-là, c'est-à-dire le personnel administratif. Il y a à peu près 1000 ou un peu plus, ils sont tous des hommes. Bien sûr, il n'y avait pas de femmes dans l'administration. Et ici, si on regarde par contre la division par couleur, pour ainsi dire, vous voyez la présence assez faible de brancos qui font vraiment 8%, 9%, 12%, quelque chose comme ça. Et puis, bien sûr, la présence très importante de ces Noirs qui sont soit des esclaves, soit des Noirs libres, comme je viens de vous dire, qui jouent un rôle important pour faire le lien avec l'intérieur. Alors, donc, c'est une ville que, dans son tissu social, pas dans sa topographie, pas dans sa forme physique, mais dans son tissu social, est uniquement est très atlantique. Mais si on fait une affirmation en se centrant, comme fait Tricard dans la première partie de son article sur les aspects de la géographie physique des villes, en fait, on ne voit pas forcément quelque chose de très unique. Et je vais vous faire la démonstration en quelques instants. Mais c'est vrai que Tricard, dans la deuxième moitié de son article, se concentre beaucoup plus sur la question de l'histoire sociale et il est bien conscient de ce fait. Et France Culture vous présente Sanjay Subramaniam, les plaques tournantes de l'histoire globale à l'époque moderne, carrefours et lieux de rencontre, aujourd'hui les villes de l'Atlantique, de Mexico à Rio. Là, on traverse. On est de l'autre côté. On est donc à Salvador, de Bahia. On est au Brésil, une ville qui est construite pour l'essentiel pour recevoir les esclaves et pour faire marcher la machine sucrière. Donc, ça, c'est le centre, le cœur battant, en quelque sorte, de l'économie brésilienne, grosso modo entre 1570 et 1650. C'est la ville qui est aujourd'hui un peu délaissée. Ce n'est pas le vrai centre maintenant, mais c'est une transformation qu'on va voir, qui a eu lieu plutôt au 18e et au 19e siècle, cette espèce de mouvement vers le sud. Mais là, on est encore dans le moment quand Bahia est considérée comme la ville la plus importante. Mais c'est une ville, si on regarde, qui se ressemble pas mal à ces villes d'implantation portugaise en Afrique, et qui est une ville qui a une présence forte des Africains, une présence relativement faible, il faut dire, des indigènes, qui sont toujours tenus à l'écart des villes dans le cas brésilien. Et c'est une ville donc qui a quelques éléments réguliers, qui a quelques éléments de base qu'on trouve, comme je vous ai dit, la chambre municipale, les mêmes institutions qu'on trouve partout. Mais en fin de compte, si en fait on connaît de près l'histoire de cette ville, c'est une idéalisation ça. C'est une idéalisation qui fait de cette ville une ville beaucoup plus régulière que ce n'était en réalité. Donc, en réalité, c'était une ville qui suivait le terrain, qui était aussi dans cette espèce de rapport avec les alentours, qui étaient des alentours assez hostiles souvent, et on va revenir un peu sur cet aspect-là. Et là encore, c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est-à-dire souvent quand on regarde les généralisations faites par les géographes ou des sociologues portant sur les villes en Amérique latine, on tombe souvent sur ce genre de réflexion, que par rapport à d'autres parties du monde, comme par exemple l'Europe médiévale, où la ville pousse en quelque sorte d'une façon organique, la ville est le résultat en quelque sorte des processus qui font qu'il est nécessaire d'avoir une place centrale, il est nécessaire d'avoir quelque chose pour centraliser les échanges. Là, on dit que le problème, c'est que ces villes de l'Amérique latine sont des impositions. Donc, c'est l'urbanisation qui vient de haut en bas. Le pouvoir passe par la ville vers la campagne. Et donc, il y a un autre style de rapport. Et bien sûr, on peut voir en certaines mesures comment ça peut marcher dans le cadre d'une occupation massive de territoire, ce qui est le cas de l'Empire espagnol. Mais rappelons-nous que ce n'était pas du tout le cas du Brésil. Le Brésil, pendant assez longtemps, l'époque de cette présence à Salvador était basée sur une espèce de présence extrêmement faible, essentiellement côtière. Il y a ce fameux réflexion d'un prêtre portugais qui disait que les Portugais étaient plus ou moins comme des homards ou comme des qui se glissaient le long de la côte mais sans pouvoir rentrer à l'intérieur. Et alors là, on est exactement dans le même genre de situation. Dire que c'est une espèce de point d'entrée pour une imposition massive qui va donc par la suite transformer tout ce qui est autour nous pose problème. Et d'ailleurs, c'est une question assez intéressante, et on peut encore une fois débattre les questions. C'est le problème qui est posé par les Néerlandais. Parce que vous savez que les Néerlandais se sont installés pour quelques décennies au milieu du XVIIe siècle au Brésil. Ils étaient surtout dans le nord-est, donc la région de Pernambuco, et ça, c'est leur réussite la plus importante, c'est-à-dire la ville de Recife, ce qu'ils appelaient Mauritsstad. Donc, à cause de Johann Mauritz, qui était chargé de cette opération, qui appartenait d'une manière un peu lointaine à la famille d'Orange. Alors donc, Johann Mauritz a créé cette ville, et il y a toujours les restes de cette ville, et il y a toujours cette question qui se pose sur en quelle mesure cette ville, soi-disant hollandaise, était tellement différente par rapport à la ville portugaise typique de la région. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une espèce de contraste absolu là? Pour revenir, par exemple, à l'hypothèse de Madame Cid, on dirait chaque nation a son style, et donc on aurait vu dans la même région, avec les Néerlandais, une ville assez différente par rapport à la ville portugaise. Oui et non. Parce que les différences s'expliquent par des aspects assez particuliers. Par exemple, les Néerlandais, dans le cas du Brésil, n'ont pas pu créer une vraie compagnie. Ça posait problème, parce que tout l'argent allait pour l'essentiel dans la compagnie asiatique. Et comme ils n'ont pas pu créer une vraie compagnie, ils ont en fait imposé sur leur possession brésilienne un modèle qui était un modèle très étatique. Donc, en fait, ça fait la différence entre le Brésil néerlandais et l'Asie néerlandaise et la ville de Nouvelle-Amsterdam. C'est-à-dire, c'est là, dans le cas du Brésil, qu'on a une présence qui est le plus centralisée. Et ça, c'est aussi parce que Johann Mauritz, qui se prenait pour un grand seigneur, en fait, s'est comporté exactement comme ça. Il a même amené une espèce de cour au Brésil. Ça a quelques avantages pour nous parce qu'il a aussi amené des grands peintres avec lui, on le sait. Il y a les deux qui sont les plus connus, qui sont Franz Post et Albert Eckhart. Mais il y avait aussi ce troisième, moins important, mais assez intéressant, qui s'appelle Zacharias Wagner. Il était allemand d'origine, qui nous a laissé un certain nombre de peintures des alentours de Mauritsstadt, hein, où on voit des éléments qui semblent bien néerlandais parfois, mais aussi il présente une ville où les esclaves dominent une grande partie de la ville, et où il y a donc, encore une fois, dès qu'on rentre dans le tissu social de la ville, on est dans un cadre qui est typiquement atlantique pour beaucoup de choses. Hein. Donc, c'était aussi quelqu'un, un peintre avec des ambitions ethnographiques. Et des historiens, par exemple, de la musique ont utilisé un certain nombre de ces peintures pour analyser les aspects de la musique et la danse africaine tels qu'on le trouvait dans le Recife du XVIIe siècle. Donc ça m'amène en fin de route, là où j'ai envie de vous amener pour traiter quand même d'une grande ville, d'une très très grande ville de l'Atlantique. Et bien sûr, là je parle de la ville de San Sebastián. Je plaisante, c'est Rio de Janeiro. Hein? Donc ça s'appelait San Sebastián de Rio de Janeiro. Donc voilà la ville, comme on le trouve à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Cette ville qui a été créée pour différentes raisons, comme une espèce de petite ville, c'est lié, comme vous le savez tous, au fait que les Français, en quelque sorte, ont forcé la main des Portugais, parce que les Français sont venus s'installer brièvement dans ces îles-là. Ça, c'était l'affaire du sire de Villegagnon, qui a pris brièvement ces villes et il a créé là une forteresse qui portait le nom de l'amiral de Coligny. Et puis, ils ont été chassés par les Portugais, enfin, mais les Portugais ont été donc obligés de prendre contrôle de la baie de Guanabara, hein, justement pour éviter des incursions françaises par la suite. Mais vous voyez où on est donc. Maintenant, on est dans une ville qui est au milieu de la baie. Ça, c'est la ciudad de San Sebastián. En face de ces îles, d'ailleurs, il y a toujours l'île qui s'appelle l'île Villegagnon, dans la baie. Il y a ici le pain de sucre. Pain de sucre, qui est quelque chose quand même qui marque la topographie de cette ville. Qu'est-ce qu'on peut dire donc par la suite sur cette ville et sur ces questions qu'on a décrites jusque-là? Vous voyez que donc c'est une ville qui commence sur un rive, mais puis il y a aussi cette forteresse qui va se faire sur l'autre, hein, ce qui serait plus ou moins aujourd'hui ce qu'on appelle Niterói. Et alors donc cette ville qui a commencé à se développer à partir de la fin du XVIe siècle, mais que tout le long du XVIIe siècle est restée une ville assez secondaire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vraiment une région très propice pour l'économie sucrière. Donc on n'a pas voulu s'installer pour ces aspects-là. Mais c'est devenu quand même une ville très importante au long du XVIIe siècle comme une ville pour la contrebande. Donc en fait, il y a une espèce de jumelage assez intéressant entre cette ville-là et Rio de la Plata, qui devient ces deux villes qui sont importantes pour détourner le commerce officiel qui passait soit par le Brésil, soit par l'Amérique espagnole. Donc, peu à peu, cette ville se développe ici, le cœur, vous voyez, et puis, finalement, on arrive à cette situation-là. Là, vous voyez la ville qui se définit. Et il y a ici ce qu'on appelle les morros, les collines, l'île qui définit un peu le rapport entre la ville proprement dit et la baie, mais c'est une ville qui n'est pas considérée comme une ville très importante jusqu'au moment quand il y a quelque chose qui va se développer, et c'est-à-dire les mines de l'intérieur. Donc il faut attendre cette expansion de l'économie de l'intérieur basée sur l'exploitation minière. Et puis maintenant, on voit, et là on est au milieu du 18e siècle avec le voyageur James Forbes, qui par la suite est allé en Inde et qui nous fait ce beau dessin donc de Rio comme il l'a trouvé. Mais là, vous voyez toujours, c'est The City of Saint Sebastian. Hein, c'est la ville de Saint Sébastien de Rio de Janeiro. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Forbes? Il dit qu'en effet, Saint Sebastian, the capital of Rio de Janeiro, is a large city with numerous churches, convents and nunneries, but the manners and customs of the inhabitants are neither pleasing nor interesting. Pride, poverty, indolence, and superstition are the prevailing characteristics of these degenerate Portuguese, and seem to have entirely extinguished the noble virtues of their ancestors. Et donc, il parle de la cruauté, de la traite, etc. Mais puis il dit que les églises sont splendides, hein? The splendor of the churches, the pompous ceremonies of the Romish worship, et ainsi de suite. Hein? Mais il dit même si c'est une ville où on trouve tout en abondance, les viandes, les poissons, ça le laisse plutôt indifférent parce que c'est une ville qui n'est pas vraiment à son goût. Alors il faut dire que c'est assez typique d'un Anglais de cette époque-là de faire comme si tous ces problèmes ont à voir avec les Portugais. Tandis que s'il avait été par exemple à Charleston, il n'aurait pas trouvé une économie esclavagiste plus tendre. Mais là, il fait comme si c'est la dégénération des Portugais qui sont allés dans les tropiques et qui sont devenus de plus en plus sauvages et ainsi de suite. Mais il souligne quand même le fait que l'économie, par exemple, dépend de ces mines. Hein? Neither could I obtain much information about the gold and diamond mines for which Brazil is celebrated, parce qu'il était tenu un peu à l'écart de tout cela et on ne voulait pas que les étrangers rentrent dans l'intérieur. Alors, ce qu'on voit donc, c'est finalement, cette ville de Rio devient importante un peu malgré l'effort des Portugais. Ce n'est pas comme si c'est une ville qui est imposée par eux, mais c'est plutôt comme une ville, justement, comme on a décrit des villes ailleurs, qui pousse, en quelque sorte. Qui pousse parce qu'il y a quelque chose qui se fait autour, hein, et il y a le transfert qui se fait parce que l'économie du Nord, qui était autrefois plus importante, devient moins importante, et cette économie-ci, pour reprendre la fameuse expression de João Lúcio de Azevedo, on passe de ce cycle de sucre vers le cycle des diamants et d'or, et puis il y a donc le résultat de ce passage. Aussi, le sucre en tant que produit dans le marché international perd son importance quand on arrive à ce moment. Et donc, en quelque sorte, la raison pour laquelle éventuellement Rio de Janeiro devient le centre du gouvernement, là où les vice-rois vont s'installer, c'est moins le résultat d'une espèce de volonté à partir d'un centre, et plus le résultat, en quelque sorte, des choses qui sont un peu en dehors du contrôle de l'Empire et de ses maîtres. Mais là encore, c'est aussi intéressant de voir qu'on est dans un cadre physique qui se ressemble beaucoup à des cadres qui sont souvent choisis par les Portugais. Donc vous voyez, on est toujours dans une espèce de région assez limitée. Et puis, derrière, il y a les montagnes qui posent limite, mais qui posent problème aussi. Et on va voir dans un instant pourquoi ces montagnes ont posé problème. Donc, c'est une ville qui va occuper une espèce de terrain assez limité, qui pose aussi des limites pour son expansion physique, sauf si on a envie d'avancer vers l'océan, ce qu'on n'a pas très envie de faire. Et ça, c'est très important de se rappeler, parce que les endroits qui sont considérés comme les plus chics aujourd'hui, comme autour de Copacabana ou Ipanema ou Leblanc, étaient totalement déconsidérés au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce n'étaient pas vraiment des endroits où on avait envie d'aller s'installer, et avec quelques résultats très intéressants. Alors, donc, vous voyez comment ça se développe, mais peu à peu, cette ville devient de plus en plus intéressante, de plus en plus importante. Là, on arrive vers la fin du 18e, vous avez un peu les chiffres comparés. Hein? Donc, vous voyez que là, Salvador et Rio sont à peu près à égalité. Il n'y a pas d'autres villes au Brésil qui fait vraiment concurrence à ces deux. Mais puis, à la fin du 18e et début du 19e, pour des circonstances sur lesquelles je vais revenir dans un instant, finalement, c'est Rio qui va devenir de plus en plus important et Salvador va perdre en importance, devient en quelque sorte la deuxième ville. Et puis, il y a São Paulo qui aussi est en train de faire son expansion. Alors, bien sûr, si on fait la comparaison avec les grandes villes de l'Amérique espagnole, la ville de Mexico est beaucoup plus grande, hein, et qui reste quand même un peu plus grande pendant le début du 19e siècle. Lima reste assez respectable, mais il y a aussi cette espèce d'expansion des villes moyennes dans l'Amérique espagnole, telles Puebla ou Guadalajara, etc., qui donnent donc une espèce de densité à l'urbanisme de l'Amérique espagnole qui n'est pas le cas de la colonie brésilienne. Mais bien sûr, les choses vont encore plus loin, on le sait, au début du 19e siècle. Et c'est parce que, pour une raison assez simple, c'est parce qu'en 1808, au milieu des guerres napoléoniennes, la cour va déménager de Lisbonne et va arriver donc à Rio. Et ça, ça donne encore une espèce de coup de pouce assez important au développement de cette ville. On va faire une petite transformation en définissant donc cette espèce de place qui devient, vous voyez, ça suit de très près le modèle du Terreiro do Paso. Donc là, on calque ça sur Lisbonne parce qu'il n'est pas suffisant d'avoir une ville comme ces villes étaient des vice-royautés, etc. Il faut donner à cette ville une autre structure, mais ça va changer juste une partie de la ville. C'est autour du palais. Mais pour le reste, la ville reste plus ou moins le même genre de ville que ça a été au 18e siècle, une ville donc qui commence à prendre la forme qui est reconnaissable pour nous aujourd'hui, mais qui, si on passe vers cette espèce de façade maritime vers l'intérieur, ça devient une ville de plus en plus compliquée. Et là, en regardant de l'auteur, on voit les problèmes. Et le problème qui se pose, c'est donc toujours que c'est une ville extrêmement mixte, et c'est une ville donc où on a beaucoup d'esclaves, énormément d'esclaves. Ça, ce n'est pas les esclaves qui sont sur le point de départ comme à Luanda, c'est les gens qui sont sur le point d'arriver. Vous voyez que les esclaves ici forment une partie relativement importante, presque 50% de la population. Il y a donc 36 000 par rapport à 43 000 qui sont des gens libres. Et c'est une ville qui devient de plus en plus une ville qui est considérée comme une ville de désordre. Et c'est justement cet aspect-là qui reste intéressant parce que ça, ce sont des peintures faites par un peintre et graveur français qui était là au 19e siècle, qui nous démontre un peu l'aspect de cette ville, cet aspect spontané de cette ville, qui n'est pas du tout une ville donc qui est, tout en étant une ville royale, et avant ça une ville de vice-royauté, une ville qui n'a pas été vraiment en réalité sous contrôle, ce n'était pas du tout une top-down ville comme on l'a présenté. Et là, vous voyez un peu la géographie qui a été présentée par un certain nombre de recherches des derniers temps. Et ça, si vous voyez, les petits triangles et les autres centres sont ce qu'on appelle les quilombos. Alors, les quilombos sont quoi? Ce sont des centres de marronnage. Et donc, dans cette ville même, il y a là la cour. Et il y a le centre de l'administration, mais tout autour, il y a donc ces espèces de centres de marronnage, déjà présents au XVIIIe siècle, mais de plus en plus présents tout le long du XIXe siècle, jusqu'à la fin de l'esclavage, qui dure assez longtemps au Brésil, il faut le dire, jusqu'à la fin des années 1880. Plus long qu'aux États-Unis, par quelques décennies quand même. Et alors, donc, si vous regardez qui sont ces esclaves, vous avez quelques idées ici. C'est assez intéressant de voir. Donc, une grosse partie, c'est des gens qui viennent de l'Afrique centrale. Mais ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'il y a plus de gens, à peu près 11 ou 12%, qui viennent de l'Afrique orientale. Et en fait, il y a plus d'esclaves d'Afrique orientale au début du 19e siècle que de l'Afrique occidentale, techniquement dit. C'est-à-dire, le gros morceau, c'est l'Afrique centrale, Angola et les régions autour. Et puis viennent les gens de l'Afrique orientale, puis viennent les gens de l'Afrique occidentale. Et on peut aussi voir un peu la division. Il y a des gens de Congo, d'Angola, et ainsi de suite, qui font ce partage. Il y a la question qui a été posée, et ce n'est pas ma place de répondre à cette question, mais c'est une question qui reste néanmoins intéressante. Il y a un livre qui est sorti il y a peu de temps, il y a quelques années, qui s'appelle « Des quilombos aux favelas ». Pour, en fait, tracer s'il y avait une espèce de lien, en quelque sorte, entre ces deux espaces dans cette ville. Et bien sûr, on ne peut pas tracer ça très, très directement, parce que vous savez que un des quilombos le plus important du 19e siècle, en fait, était à Leblon, aujourd'hui considéré comme un des quartiers les plus chics de Rio de Janeiro. Mais il y avait quand même ce rapport entre les collines et la ville en bas, qui était un rapport qui continue à définir un peu l'espace social et les espaces d'exclusion et d'inclusion dans cette ville, qui est en quelque sorte toujours présente et qui structure la vie de cette ville. Bon, mais j'arrive là à une conclusion assez rapide. Donc on a commencé justement avec Max Weber et sa vision de la ville. C'est une vision, il faut le dire, pas européocentré, mais très centré sur le vieux monde. Donc, il avait quand même des réflexions sur la Chine, sur l'Inde, un peu sur le monde islamique, mais surtout, bien sûr, le monde romain. Et dans cette vision des choses, bien sûr, les endroits tels que l'Atlantique, le Nouveau Monde, n'avaient pas un rôle à jouer. C'est une question qui a été soulevée par d'autres sociologues par la suite. Mais on est toujours en train de lutter un peu contre cette vision un peu trop théologique, trop unique de l'évolution des villes qui vient de la tradition weberienne. Bien sûr, depuis le départ, il y a eu des contestations même parmi les sociologues. Si on regarde les écrits de quelqu'un comme Georg Simmel, il a une vision de la ville qui est tout à fait autre que Weber. Il a une vision beaucoup plus négative. Il ne pense pas du tout que c'est la ville où on respire l'air de la liberté. Alors, bien sûr, si on regarde les villes de l'Atlantique qu'on a étudiées aujourd'hui, il serait assez osé de dire que ces villes respiraient l'air de la liberté. Et il ne faut donc pas faire de ces villes des exceptions, ou faire comme si c'est des villes qui sont des aberrations. En réalité, ces villes ont beaucoup plus à voir avec les villes dans le monde que nous vivons, qu'une espèce de vision idéalisée des villes. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 1er mars 2017 le cours de Sanjay Subramaniam, les plaques tournantes de l'histoire globale à l'époque moderne, carrefours et lieux de rencontre, aujourd'hui les villes de l'Atlantique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Sanjay Subramaniam. Il a publié « L'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie, 1500-1750 » chez Alma en 2016 et chez le même éditeur, je rappelle également « Leçons indiennes, itinéraire d'un historien, Delhi, Lisbonne, Paris, Los Angeles » en 2015. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous quittons les regards décentrés pour plonger dans l'œil et la lumière avec le clinicien-chercheur José Alain Sahel pour sa leçon inaugurale « Rapprocher les regards autour de la restauration visuelle ». Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.